Maman, on mange quoi ce midi? Bah, je sais pas, moi, faites ce que vous voulez. Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas, hein? Non, ça va, c'est juste que là, je suis dans mes souvenirs et j'ai retrouvé des carnets du temps où j'avais repris mes études de paysagiste. Du coup, je replonge dans toute une époque de ma vie, ça me fait tout drôle. Ah bon? Trop marrant. Tu lis quoi, par exemple? Là, bah, je relis une sorte de chronique que j'avais écrite sur le déconfinement, juste après la première pandémie qu'on ait connue, papa et moi. Tu sais, on vous en a parlé, c'était le Covid-19, oui. Ouais, je me souviens. Alors, t'avais écrit quoi? Tu vois, là, j'étais très déçue. Quand je suis sortie pour la première fois dans Paris, parce que tout était revenu comme avant, avec tout le bruit, la pollution, la consommation, les gens partout, ça grouillait de monde, et j'ai l'impression que le vacarme ne pourrait pas cesser, et que le confinement n'avait pas réellement fait réfléchir les gens ou le gouvernement sur la mauvaise qualité de vie liée aux nuisances sonores. Ah ouais, c'était comment par rapport à aujourd'hui? Oh, c'était bien pire! Bien pire à l'époque. Ouais, depuis, la situation s'est améliorée, hein. Comme quoi, tu vois, faut toujours garder espoir. Bah, le bruit de l'époque, c'était pas comme celui qu'on connaît aujourd'hui. C'était bien moins musical. On a compris, en fait, que la musique faisait du bien aux gens pendant le confinement et ça les aidait à tenir, à se détendre. Et c'est donc à partir de ce moment-là qu'on a réfléchi aux espaces publics et à leur musicalité. Il y a eu une manifestation à un moment, ça devait être en 2022, par là, on l'a appelé le mouvement des boulkies. Je me rappelle, on y a été une fois avec ton père. On avait fait une banderole qui disait « La nuit, je m'en bouche les oreilles ». C'était en référence au bruit constant, ça nous pourrissait la vie. Enfin, surtout les nuits et surtout en été. Parce qu'avec les canicules, on pouvait pas ouvrir la fenêtre pour avoir de l'air. Sinon, on dormait pas à cause du bruit. C'était fou. Ça a un peu fait bouger les élus, et puis globalement, je pense qu'ils avaient envie de faire mieux pour la planète, ils commençaient à subir une petite pression, enfin bref, au final, bah, y a eu de plus en plus de restrictions sur les véhicules thermiques, petit à petit, seuls les véhicules électriques ou les modes doux ont été autorisés en ville. Les klaxons, c'était une sorte de sonnerie très très très très pénible, et en fait, on a remplacé ça par des cloches ou des clochettes. Bon, c'est quand même très bruyant, tu vas me dire, mais des études ont montré, à ce moment-là, que c'était bien moins délétère pour l'ouïe. Et du coup, on a systématisé aussi des musiques pour les passages piétons, les feux. Et les silent disco, ça existait déjà avant le confinement? Ah oui, ça existait déjà, mais c'était vraiment anecdotique. Et après, le mouvement des boulkies, ça s'est pas mal répandu. Il y en a eu un peu à tous les coins de rue, c'était vraiment à la mode. Ouais. Et puis, surtout pour limiter les bruits des bars la nuit, on s'est mis à proposer, tu sais, les salles extérieures en infrabruit, qui absorbe les bruits produits par les gens. Ça a vraiment pas mal changé la nuit des Parisiens. On s'est senti plus respectés, tu vois, dans nos modes de vie. Ah ouais. Et toi, en tant que paysagiste, t'as participé à ces changements? Oui, un peu. Enfin, pas à pas. On a changé un peu nos manières d'agir, déjà individuellement. Et puis, de plus en plus de gens ont saisi l'aide du gouvernement pour insonoriser les appartements. Et puis, ben, plus collectivement aussi, c'est vrai, quand on a eu des commandes, par exemple, pour des éco-quartiers, ben, on poussait les promoteurs à le faire, à végétaliser aussi autour, de façon à ce que les plantes et les arbres absorbent le bruit, ou alors créer des sons autres pour camoufler le bruit des flux, avec des sons plus agréables, le bruit de l'eau, ou les oiseaux qui trouvaient là de la nourriture. Tu vois, c'est un peu comme ça qu'on a participé, nous, en tant que paysagistes. Ah ouais. À la campagne, bah, les gens ont eu des consignes plus strictes aussi. Hein. Tu vois, par rapport aux pratiques bruyantes, la tonte de l'herbe a été réglementée à certains horaires et seulement quelques fois par an. Tu vois, pour éviter que tous les dimanches, ton voisin te réveille à 7h avec sa tondeuse, tu vois, genre. Maman, on mange quoi ce midi? Bon, bah, je crois que je vais vraiment devoir descendre cette fois-ci. Bah, je sais pas, moi, on a des carottes de la ferme d'Aubervilliers, on a des choux.